Les paradoxes de la contestation. Il y a dans le mot contestation un paradoxe qui pousse à l'extrême un problème fondamental de la philosophie politique. C'est que la contestation désigne d'un côté une critique, mais dans ce qu'elle a de plus radical. Contester quelque chose ou quelqu'un, c'est aller à critiquer jusqu'à son existence même, jusqu'à sa légitimité. C'est mettre en cause une contradiction, par exemple, entre une politique donnée et les principes, par exemple les principes de la démocratie. C'est contester aussi l'ensemble d'une action, par exemple, quand on conteste la légitimité ou l'action d'un homme politique, d'un président, et heureusement on peut le faire dans une dictature, on ne peut pas contester le dictateur, mais justement, c'est le signe que la dictature pose un problème fondamental aux humains et que la contestation a quelque chose de vital. Mais d'un autre côté, dans le mot « contestation », on entend aussi avec le préfixe, qui est le préfixe de toutes les activités communes des humains, qui vient du cum avec en latin, on entend aussi la préservation d'une activité commune, la lutte pour un enjeu commun, un enjeu contesté justement, comme dans une compétition sportive. Et contester, c'est aussi lutter avec d'autres pour un objectif commun et parfois dans des règles communes, comme dans les compétitions sportives. La contestation porte aussi, à travers ce préfixe, les mêmes enjeux que la concertation, que la communication, peut-être aussi que la compétition et la concurrence, mais justement avec l'idée que dans la radicalité du débat politique, il y a néanmoins besoin de cadres communs. C'est pourquoi la contestation est l'enjeu vital, notamment de la démocratie. Ce type de régime qui prétend autoriser la discussion et la critique, qui en fait même le principe fondamental, la liberté d'expression, de discussion, de critique, l'expression des critiques de la démocratie au nom de ses propres principes, par exemple la persistance d'inégalités, alors que l'égalité est au cœur de la revendication démocratique. Et donc la démocratie repose à la fois sur la possibilité de la contestation et sur l'acceptation d'un cadre commun pour elle. C'est pourquoi la démocratie lutte toujours contre deux risques et sur une sorte de corde raide. L'idée d'abord d'une démocratie acquise, définitive, qui aurait plus besoin de contester parce que tout serait possible dans le Parlement, les élections, etc. Comme s'il n'y avait plus de problème. C'est évidemment une illusion. Et d'un autre côté, l'idée que la moindre contestation doit remettre à plat tout ce qui a déjà été acquis et construit pour permettre un progrès fondé sur la critique, fondé sur la contestation. Aujourd'hui, nous devons penser précisément des contestations qui impliquent parfois des transgressions, comme on critique l'orthographe de la langue française pour permettre une présence de la revendication d'égalité du féminin et du masculin dans ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Ça vient transgresser au nom d'une contestation démocratique. Il y a donc toujours dans la contestation le problème paradoxal de jusqu'où aller trop loin. Il faut parfois aller un peu trop loin, mais sans détruire ce cadre commun construit difficilement par les humains pour que la contestation ne devienne pas un conflit, ne devienne pas justement une accusation de complot, mais devienne paradoxalement une institution commune, vitale, paradoxale et nécessaire, cette contestation démocratique qui est comme la respiration des vivants humains dans leur société.